Ego 99. Bienvenidos a la sexta emisión de Commons Baby, música libre para oídos de mal asiento. Hoy daremos aviso de cambios y novedades que serán efectivas a partir del próximo Commons Baby. Empezamos. En la anterior emisión hacíamos un viaje por el rock and roll, el rockabilly y el blues, pero en los minutos que siguen vamos a advertiros sobre los peligros del rock and roll. C'est permis si tu veux vraiment profiter de Paris. Tu peux à ta convenance utiliser mon chapitre. Ce qu'il n'avait pas précisé dans sa charité, c'est qu'il fallait 15 bonnes minutes pour démarrer. J'ai pris mon mal en patience, checké le niveau d'essence, kické-t-elle la mob de mon enfance jusqu'à ce que le moteur me fasse allégeance. Manette plein gaz, j'ai alors taillé la fuite, mais même un tricycle aurait pu tenter une poursuite. Je devais bien aller à 20 à l'heure, au grand max, vent dans le dos, descente, dopé à l'antra. Sur un chapitre, les cheveux dans le vent, c'est repousser les limites du nonchalant. Si tu hésites entre sécurité et sensation, sur un chapitre, y'a pas de réponse, car pas de question. Sur un chapitre, les cheveux dans le vent, c'est repousser les limites du nonchalant. Si tu hésites entre sécurité et sensation, sur un chapitre, y'a pas de réponse, car pas de question. Me faufilant dans les voies de bus entre les taxis, j'ai senti la liberté me susurrer, alors heureux l'ami. Ouais, je me suis vu un peu Amélie Poulain, mais au masculin. Sauf que mon martre, je l'aurais monté en poussant le bousin. Enflammé, j'ai fait le mec qui connaît Paris par cœur, mais en même temps les noms des rues, on peut les lire à 20 à l'heure. J'ai alors proposé à une jolie anglaise de la balader. Elle avait de magnifiques dents, je l'ai bien vue, ouais, elle m'a rigonné. C'est sûr que je ressemblais plus à Bézu qu'à James Dean. La phrase pour faire rêver chez moi, c'est qui d'ordine. J'aurais fait un tabac si j'avais eu ce chapi à 14 ans. Un jour c'est promis, j'assumerai cette mobilette à clignotant. Sur un chapi, les cheveux dans le vent, c'est repousser les limites du nonchalant. Si tu hésites entre sécurité et sensation, sur un chapi, y'a pas de réponse, car pas de question. Sur un chapi, les cheveux dans le vent, c'est repousser les limites du nonchalant. Si tu hésites entre sécurité et sensation, sur un chapi, y'a pas de réponse, car pas de question. Ce qui devait arriver finit par arriver. À la sortie d'un tournant, bah ouais, je suis tombé. Je suis un peu l'Ayrton Senna du deux roues. J'ai deux patchwork de chair à la place des genoux. Aïe putain, c'est pas vrai, fais chier. Ça va monsieur, vous nous avez pas fait trop mal? Non, ça va, mais putain, j'ai rippé sur la chicane. Pardon, la quoi? Ouais, laissez tomber, c'est une histoire entre moi et la bécane. Sur un chapitre, les cheveux dans le vent, c'est repousser les limites du nonchalant. Si tu hésites entre sécurité et sensation, sur un chapitre, y'a pas de réponse, car pas de question. Sur un chapitre, les cheveux dans le vent, c'est repousser les limites du nonchalant. Si tu hésites entre sécurité et sensation, sur un chapitre, y'a pas de réponse, car pas de question. Sur un chapitre, sur un chapitre, sur un chapitre, sur un chapitre, sur un chapitre, sur un chapitre.

Válgame el padre, el padre. Válgame el pareado. Je me sentais l'âme d'une star. À trop le faire, je suis vite devenu un cauchemar. Pour les profs qui ne pouvaient accepter qu'un mariole au fond de la classe soit trop demeuré. Pour comprendre que la crise enseignement ne peuvent tolérer un tel débordement d'énergie qui serait certainement plus approprié dans un cirque, non. Dans un théâtre, non. Ou alors dans un putain de show télévisé, certainement pas. Alors comme je savais faire trois accords à la guitare, je me suis imaginé jouant au Parc des Princes tous les soirs devant une foule, public aimé, déchaîné, qui scandrait mon nom sans jamais pouvoir s'arrêter. Thierry Blanchard, superstar, oups, mais ma mégalomie, ma manie de me vanter sont écœurantes. J'ai la maladie des momies quand elles étaient encore bien vivantes. Mais ne soyez pas trop dur, s'il vous plaît. Comprenez que depuis peu j'ai réalisé et accepté le fait que j'étais baba en baba et on était baba en baba et on était baba baba baba baba baba baba baba baba on était baba en baba et on était baba en baba et on était baba baba baba baba baba baba baba. En couille. Je suis vulgaire, c'est pas parce que c'est dans l'air du temps. Je vais pas prendre des airs, je préfère flow et tout naturellement. Je suis pas Jacques Brel, je suis pas MC Solar. J'ai ni la voix ni le style, même si je m'habille en costard. Mais la mélomanie de ma voix s'améliore pas au fil du temps. Je suis mélomane qui voit pas comment changer son azimant. Je me suis imaginé, la vedette harcelée. C'est comme mettre un glaçon dans un vêtement bien douillé. Alors face à ça, je me suis dit, redescends sur terre. Alors face à ça, je me suis dit, redescends sur terre. Alors face à ça je me suis dit, redescends sur terre. Alors face à ça je me suis dit que j'étais vraiment pas le seul sur terre à être paré en coup. Que j'étais baba en baba et on était baba en baba et on était baba baba baba baba baba baba baba. Paré en boule, t'es baba en bas. Paré en boule, t'es baba en bas. Paré en boule, t'es baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. Paré en couille. Tout a été très vite, des producteurs m'ont contacté. Ils ont voulu me faire signer un passage en playback à la télé. Mes 3 minutes de portage sur France 3 ont déjà démontré que lorsque les micros sont branchés, j'arrête pas de me la douer. Je veux faire le showman, mais cela me dépasse totalement. Je me trouve trop prétentieux, trop ambitieux. Ça me fout les glands, je veux continuer à avoir les pieds sur terre. Investir à fond sans jamais être trop fier, mais putain, ça c'est du travail. Alors je remets ça à dans très très très longtemps. Putain, ça c'est du travail. Alors je remets ça à dans très très très longtemps. Putain, c'est du travail. Alors je remets ça à dans très très très longtemps. Putain, ça c'est du travail. C'est pas plus d'une semaine au vu des événements de ces derniers temps. Oula, je commence à être barré en coup. Que j'étais baba en baba et on était baba en baba. Barré en coup, on était baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. Barré en coup, on était baba en baba. Barré en coup, on était baba. Porque la vida sin música sería un error. Ego 99. Muy simpática la canción, ¿a que sí? Bien, como siempre, si queréis saber más sobre los cantantes y grupos que emitimos en Commons Baby, no tenéis más que visitar el blog commonsbaby.blogspot.com y allí encontraréis enlaces a sus webs y a los sitios donde he encontrado su música. Y pasamos ahora de lo divertido a lo serio. Vamos a ponernos serios un momentito y vamos a anunciar, vamos a explicar algunos cambios y novedades que habrá a partir del número 7 de Commons Baby. Bonito número para recomenzar. Como sabréis, llevamos apenas media docena de emisiones y cuando pasa, cuando se crea algo, es un ente vivo que va evolucionando y va conformándose a medida que va progresando. Empezamos haciendo monográficos, luego lo deseché un poco por si se hacía un poco pesado, y ahora estoy metiendo varios grupos dentro de un mismo capítulo. Y en principio vamos a seguir por ahí, vamos a crear más adelante secciones, hoy estrenamos una, digamos, y el cambio más importante, más radical quizás que va a haber en Commons Baby es el cambio de idioma. Desde un principio, cuando surgió la idea de Commons Baby después de abandonar PodFabs, tuve en la cabeza rondándome la idea de hacerlo en gallego. Era una inquietud que tenía dentro porque lo consideraba necesario y me apetecía. Pero como heredaba, en cierto modo, el espíritu de PodFabs, que era en castellano y se emitía a través de Ego 99 Radio, que es mexicana, pues decidí en un principio continuar, pero siempre con la idea en la cabeza de en algún momento cambiar. El otro día hablé con Carlos Herrera, Corso, el coordinador, alma mater y espíritu inquieto de Commons, para hoy estoy con el Commons Baby en la boca seguido, el espíritu inquieto de Ego 99, le comenté la idea de cambiar y me dijo que no solo no le importaba, sino que me lo exigía, porque le parecía muy interesante y hermoso el hecho de que Ego 99 se plurifique y tenga dos idiomas dentro de su estómago, dentro de su cuerpo. Y bueno, a partir del próximo número, Commons Baby será en gallego. Cuando lo comenté a otras personas, me dijeron que creían que no era buena idea, porque eso podría suponer pérdida de audiencia, entre otras cosas. Y bueno, como tampoco es que Commons Baby tenga todavía mucha audiencia, no creo que sea una pérdida importante. Además, yo escucho, o sea, lo importante de Commons Baby es la música, y yo escucho podcasts en inglés y en portugués, y aunque algunas veces no entienda todo lo que dicen, pues francamente no me importa, porque lo que me importa es la música. Y eso creo que tampoco es muy complicado para un castellano hablante entender el gallego. Por lo tanto, pues voy a seguir en mis 13 y voy a hacerlo en gallego. Y bueno, y en la próxima semana habrá una novedad, pero no la voy a desvelar ya hasta la semana que viene, porque, bueno, ¿para qué? Así es, mantengo la intención y os tengo ahí presos para que el Commons Baby número 7 estéis ahí atentos con la oreja puesta, pegada a vuestro agregador de RSS. A continuación vamos a estrenar una nueva sección que se llama, bueno, más o menos, Uma Faz a Ficha, que traducido más o menos así del portugués son así como una canción que mola, donde en cada capítulo o cuando encuentre una canción así de estas que a la primera escucha diga ¡hey! Esto es muy bueno, es un gran single, pues la voy a presentar. Y en esta ocasión lo inauguramos con un grupo de Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos, que se llaman Blanks, y el tema se llama Pouncer. Según su MySpace, hacen música indie, disco house, trance, pero bueno, a mí me parece más bien música de pop, que con guitarras contundentes y ganas de bailar. Y bueno, para mí es una canción que descubrí, por cierto, en el recopilatorio de Metavel, en el mismo sitio donde descubría The Dots, y francamente es un grupo que pinta muy bien. Y nada más, con esto y un bizcocho, nos vemos en Commons Baby número 7. Commons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. A show without a stride's like minutes on overdrive. Well, my time is occupied with hours, hours. A show without a stride's like minutes on overdrive. Well, my time is occupied with hours. Commons, baby.